juste quelques pas sur un air oublié. Et nous tournons déjà, serait-ce démodé? Les yeux dans les yeux, regards échangés qui rendent les gens heureux, serait-ce démodé? Juste hier, avons-nous tout oublié? C'était hier et tout a changé. Oui, hier, tant des bonheurs partagés. C'était hier, une éternité. Juste quelques pas sur cette terre oubliée et revivre des émois qu'on croyait fanés. Mon ratataille, soudain un trouble me gagne, se met à tourner le sol sous mes pieds et riez. Si tout ça c'est du passé, mais oui, riez. Ce monde oublié, oui, riez. On a su vous aveugler, mais oui, riez. Pour me consommer. Ange, ange, je suis ange. Oui, ange, ange, je veux. Quelques pas sur un air oublié et nous tournons déjà, serait-ce démodé? Les yeux dans les yeux, regards échangés qui rendent les gens heureux, serait-ce démodé? Juste hier, avons-nous tout oublié? C'était hier et tout a changé. Oui, tant des bonheurs partagés, c'était hier, une éternité. Ange, ange, je suis ange, oui, ange, ange, je veux.